Les chiens de Constantinople par Henri d'Arnery. Dans un des vieux quartiers de Stamboul vivait un petit Arménien qui s'appelait Andjan. Il avait environ 15 ans et faisait le métier de souji, c'est-à-dire de vendeur d'eau. Après avoir couru les rues toute la journée en débitant sa marchandise, il rapportait le soir d'assez jolies recettes à son maître. Celui-ci était un courtier juif, bien connu dans le bazar pour son âpreté au gain, et aussi redouté des marchands que des acheteurs. Il avait recueilli l'enfant, comme on dit, par charité. Mais il n'était pas homme à nourrir les gens pour l'amour du bon Dieu. Ses petits yeux gris, durs comme l'acier, dont ils avaient la couleur, annonçaient la méchanceté. Il y avait dans le pli de ses lèvres, serrées, dans toutes les rides de son front, quelque chose de bas et de cruel. Il avait pour femme une petite vieille, dont l'aspect n'était pas moins désagréable que le sien. À eux deux, vous eussiez dit l'avarice en personne. Leur caractère ne démentait pas leur mine. Ils habitaient une chétive maison de bois et affichaient leur pauvreté avec autant d'ostentation que d'autres leur richesse. Cependant, le soir, avant de se mettre au lit, ce vieux ne manquait jamais de répéter à cette vieille, en se frottant les mains, « Hein, si je voulais !» Et tous les deux riaient d'un petit rire sec, en songeant à ce qu'ils auraient pu faire s'ils avaient voulu. On eût dit que, si je voulais, les tenait au chaud l'hiver, et qu'ils lui tenirent les autres. Il n'y tenait pas le petit Souji, l'enfant logé dans un grand galta sombre, qui n'avait qu'une seule lucarne pour laisser entrer la lumière, mais où le vent pénétrait par mille trous invisibles. Il dormait cependant, car dès le matin il devait être debout pour remplir son tonneau à la citerne. Il fallait ensuite le porter par toute la ville, et rien ne fatigue comme ses courses sur les pavés inégaux et glissants. Puis, une fois rentré, il fallait aller chercher du bois et surveiller le dîner maigre qui cuisait lentement sur le foyer. Mais quelque peine qu'il se donna, Andjan ne recevait de son maître que des gronderies ou des coups. Toujours son ouvrage était mal fait, toujours, au bout de la journée, quelques paras manquaient au compte, et plus d'une fois, lorsque la recette avait faibli, il avait dû aller se coucher sans souper. Ils souffraient tous sans rien dire. Seulement, quand il était rentré dans son galta, il s'asseyait dans un coin, par terre, et versait de grosses larmes que personne n'essuyait. Il entendait le vent du nord, froid et humide, entrer en sifflant par les jointures des portes. Alors, il se mettait à grelotter sous ses haillons. Il lui semblait que tout se déchaînait contre lui, et que le vent lui criait, de sa voix grondeuse, comme celle du maître en bas. « Allons, fainéant, peux-tu bien travailler ?» Puis, bientôt montaient jusqu'à lui les aboiements des chiens dans les rues étroites. Ce bruit ne lui faisait pas peur comme celui du vent. Il se sentait une grande sympathie pour ces pauvres bêtes qui s'en vont, maigres sur leurs poils courts, chercher leur nourriture dans la boue des rues et qui gîtent sans abri sur le sol humide. Leur sort ne ressemblait-il pas au sien ? N'était-il pas, comme lui, repoussé de tout le monde, comme lui, privé de toute caresse humaine ? Car en réalité, ce qui les rendait si malheureux, ce n'était ni le froid, ni le dur travail, ni même la faim qui parfois grondait en lui. C'était l'abandon où il vivait, sans jamais entendre un mot d'affection et sans pouvoir aimer personne. Quelquefois, que le temps était serein, il allait se placer devant sa petite lucarne et regarder au loin les coupoles des mosquées, argentées par la lune, et les hauts minarets blancs dont l'ombre allongée se projetait sur les toits. Sous cette lumière douce et paisible, il oubliait un instant sa peine. Mais il ne pouvait s'empêcher de tristes pensées de s'éveiller toujours dans son cœur. Il sentait en lui un grand vide, dont il devinait confusément la cause. Alors, il levait au ciel ses beaux yeux noirs. Il joignait ses petites mains et disait tout bas, « Oh, comme je voudrais avoir un ami !» Et sur son lit de planches, avant de s'endormir, il priait de tout son cœur le bon Dieu de lui en envoyer un. Un soir, en rentrant, il trouva sur le seuil un pauvre chien tout pelé qui semblait s'être couché là pour mourir. On était dans une de ces époques de sécheresse si pénibles à traverser à Constantinople. L'animal ne se dérangea pas pour laisser passer Andjan, mais tandis que l'enfant le poussait du pied, il ouvrit tristement les yeux et le regarda comme s'il eût voulu dire « Laisse-moi donc mourir en paix, ou bien « Donne-moi une goutte d'eau dans le creux de ta main pour apaiser ma soif. » Andjan était compatissant comme tous les malheureux. Son tonneau n'était pas entièrement vide. Il versa un peu d'eau dans un fragment d'écuelle qui se trouvait là par hasard et le tendit au chien. Il se préparait à lui servir une seconde rasade quand la voix de son maître le fit tout à coup tressaillir. En même temps, il se sentit saisir par les deux oreilles. « Ah ça !» cria le vieux en le secouant de toutes ses forces. « Tu as donc juré de m'ôter le pain de la bouche ?»« Donne-moi mon argent et file au plus vite, que je n'entende plus parler de toi ce soir. » L'enfant obéit, le cœur gros, sans autre consolation que le sentiment de sa bonne action et une croûte de pain sec. Et encore, eût-il voulu jeter ce pain par la fenêtre, tant il lui en coûtait de le manger. Mais il avait trop grand faim pour accorder cette satisfaction à son orgueil. Bientôt il entendit la porte, que ne fermait pas même un loquet, s'entrebâiller en criant sur ses gonds. Des pas furtifs trottèrent sur le plancher, un museau froid vint s'appuyer sur son épaule et s'approcha doucement de sa joue. Il eut une petite peur d'abord. Il ne pensait qu'à son chagrin. Il avait oublié la pauvre bête qui en était la cause et qui, s'étant glissée après lui dans la maison, l'avait suivi jusque dans son galta. Elle venait partager sa punition. Andjan ne supposa pas qu'un chien de Constantinople pût avoir des sentiments aussi délicats. Il lui offrit la moitié de son pain. Mais le chien secoua la tête en signe de refus. « Ce n'est pas cela, » voulait-il dire. « J'aimerais rester avec toi. Je te tiendrai au chaud l'hiver. » Et l'été, j'attraperai les rats qui courent sur les planches et t'empêchent de dormir. » L'enfant comprit cette prière. Deux larmes coulèrent sur ses joues. Il prit la tête du chien sur ses genoux et lui passant le bras autour du cou. « Viens, reste, tu seras mon ami. » C'était la première caresse que recevaient les deux pauvres êtres. À partir de ce moment, ils furent l'un et l'autre moins malheureux. Pourtant, leur genre de vie n'avait pas changé. Le Soudji continua à vendre de l'eau pour son maître, le chien parcourir les rues du quartier, fouillant les immondices pour y trouver sa nourriture. Il ne pouvait accompagner Andjan dans ses courses, car ses congénères des quartiers voisins lui auraient fait un mauvais parti. Ces animaux semblent s'être partagés la ville, et chaque bande exerce une police très sévère à l'égard des vagabonds. Mais, le soir, Andjan avait soin de laisser la porte ouverte en rentrant. Son ami en profitait pour se faufiler dans la maison et allait l'attendre en cachette dans ce réduit, tandis que les vieux avaient le dos tourné. Il se tenait bien tranquille dans un coin, jusqu'à ce qu'il entendît le petit garçon monter à tâtons le vieil escalier sombre. Alors, il accourait au-devant de lui et l'accueillait par mille caresses. Andjan, de son côté, trouvait toujours moyen de lui apporter un morceau de pain qu'il avait mis dans sa poche à table ou un os qu'il avait ramassé dans la rue. Ils vécurent ainsi plusieurs mois sans que le vieux s'aperçût de rien, malgré ses yeux d'avare. Il s'aimait tous les jours davantage. Chaque soir, avant de s'endormir, ils restaient longtemps serrés l'un contre l'autre, repassant dans leur cœur les mêmes pensées. Andjan avait nommé son compagnon Fugara, ce qui en turc signifie « pauvre ». Il lui racontait tout ce qu'il avait à souffrir de la part de ses maîtres, les durs travaux de la journée, la nourriture insuffisante, l'inutilité des efforts qu'il faisait pour les contenter, et cet éternel supplice du soupçon que lui infligeait leur avarice. En disant ces choses, il versait des larmes qui coulaient sur ses joues et sur ses mains, et que le chien léchait comme s'il eût compris. Et qui sait s'il ne comprenait pas? Il voyait certainement que son petit ami n'était pas heureux, et tâchait de le consoler à sa façon. Il eût voulu que l'occasion se présentât de se dévouer pour lui et donner sa vie pour le rendre heureux. Mais, ne pouvant rien dire et rien faire, il se contentait de l'aimer de tout son pauvre cœur de chien. Ah, s'il eût pu parler, que de choses il eût raconté à son maître, qui lui aurait fait dresser les cheveux sur la tête. Il lui aurait appris ce que c'est que les nuits à la belle étoile dans les mois d'hiver, alors que le vent de la mer Noire souffle sur les maisons et qu'on n'a rien pour se tenir à l'abri, rien pour se préserver de la neige qui tombe et de la boue qui couvre les rues. Il lui aurait dit comme il est triste de se sentir rongé par la faim, brûlé par la soif, d'être sans cesse à lutter pour conserver une misérable existence, pour avoir une ordure à manger, un lit de fange où se coucher, et lorsqu'il faut un jour s'en aller crever dans un coin, de se voir entouré de gueules menaçantes prêtes à se plonger dans le cadavre qui va bientôt leur appartenir. Mais il ne pouvait exprimer les pensées de son cœur. Il se contentait d'appuyer sa tête sur la joue de son ami, et ils passaient ainsi des heures entières, unis par de communes souffrances qu'ils oubliaient en y pensant ensemble. Ils se furent bientôt si chers qu'il leur devint impossible de se quitter. Andjean résolut d'emmener le chien dans ses courses. Il lui fit une laisse avec un morceau de vieille corde. Il s'arma d'un gros bâton et tous deux se mirent en route à travers les rues de Stamboul. Fougara, malgré la gêne du collier, trottait joyeusement. Ils ne manquèrent pas de rencontrer quelques chiens qui les regardèrent de travers et aboyèrent quand ils eurent passé. Mais le bâton les tint en respect et nul n'osa s'aventurer à portée de ses coups. Ainsi, Andjean et son ami ne se perdirent plus de vue une minute. Bien des gens, à Stamboul, se souvenaient de les avoir vus s'en aller côte à côte, en se lançant tout le long du chemin, des regards d'amitié. L'enfant, son tonneau suspendu aux épaules comme une hotte, courait pieds nus dans la boue en criant « Suji, Suji !» Son fez, qui avait été rouge, laissait passer sur son front deux ou trois boucles de cheveux noirs. Ses jambes maigres, ses bras, tout son corps était couvert de haillons déchirés en mille endroits. Mais ses yeux bruns et limpides, toujours grands ouverts, sa gentille figure souriante, quoiqu'un peu triste, faisaient qu'on ne songeait pas au haillon et qu'on s'arrêtait pour le voir passer. Le chien était de taille moyenne. Il avait le museau allongé, les oreilles à demi dressées, la queue pendante. Il avait gardé cet air sauvage et affamé qui fait ressembler à des loups les chiens de Constantinople. Quand toute l'eau était vendue, ils s'en allaient ensemble au bord de la mer, le long des murs du vieux sérail, et regardaient les navires. Par les temps couverts, il y avait en cet endroit beaucoup de pêcheurs. C'était plaisir de les voir lancer et retirer leurs lignes avec de grands mouvements de bras et ramener parfois de gros poissons qui sautaient frétillés sur la pierre comme s'ils eussent été déjà dans la poêle à frire. Dans les très beaux jours, cette pêche n'était guère fructueuse. Aussi personne ne s'y livrait. Une fois, cependant, on était en novembre, mais le soleil brillait comme en août, Andjean vit un vieux bonhomme qui s'escrimait tout seul sur le rivage. Ce n'était pas un pêcheur de profession, car il s'y prenait fort maladroitement. Il réussit à si bien emmêler sa ligne qu'il dut appeler l'enfant à son aide pour se débrouiller. Ce fut une grosse affaire. Ils eurent le temps d'engager la conversation et de faire quelque peu connaissance. Les manières franches du bonhomme, ses paroles cordiales et surtout sa grosse casquette de loutre gagnèrent la confiance du petit Arménien. L'enfant, de son côté, mit tant de gentillesse à rendre le service dont il était prié que la bonne impression fut réciproque. Le vieux lui permit de lancer une ou deux fois la ligne à sa place et eut bientôt le plaisir de tirer lui-même hors de l'eau un poisson gros et long comme les deux mains. Il fut tout réjoui de voir ces belles écailles vertes briller au soleil. « Attends, petit, dit-il, nous allons nous régaler. » Et il fit signe au Suji de venir avec lui. Ils suivirent le bord de la mer à peu près jusqu'à l'endroit où se termine le quai. Il y avait là une cabane, habitée par de pauvres gens qui raccommodaient les filets des pêcheurs. Le marin obtint pour quelques paras la permission de prendre sur le foyer un peu de braise et de bois. Et ayant trouvé à deux pas de là un endroit convenable, il fit rôtir le poisson qui fut bientôt cuit à point. Puis ils le mangèrent ensemble, et tout en mangeant, Andjean racontait les souffrances de sa pauvre vie. Quand l'histoire fut finie, le bonhomme parut réfléchir un moment, puis frappant sur l'épaule du petit garçon, il lui dit « Moi, si j'étais toi, je n'en resterais pas. »« Oh, je voudrais bien m'en aller, » répondit Andjean, « mais je ne sais pas comment faire. »« Ah, diable, c'est vrai, » reprit le vieux. « Je ne sais pas trop non plus. » Puis tout à coup, se ravisant, « Au fait, le patron a besoin d'un mousse. Tu m'as l'air fort et agile. Lève-toi un peu, mon garçon. Tu n'as pas peur de la mer, par hasard. » L'enfant écoutait sans répondre. Il regardait le chien qui s'était couché au soleil, et du chien ses yeux allaient au vieillard plein d'une muette interrogation. « Ah, pour celui-ci, fit le marin, je ne m'en charge pas. » Et comme Andjean secoua la tête sans répondre, il lui prit la main et lui dit doucement « Allons, tu hésites. Ça prouve que tu as bon cœur. Je vais te laisser le temps de réfléchir. Tu me trouveras demain soir à l'auberge du Levant. c'est près du pont, une petite rue à droite. Il y a une grande enseigne bleue, tu n'auras qu'à demander maître Pierre. Maintenant, petit, songe-y bien. Tu es assez grand pour comprendre ce que je vais te dire. Que feras-tu si tu restes ici? Passeras-tu toute ta vie à porter de l'eau comme une bête de somme pour le compte d'un maître qui te paye en te laissant mourir de faim? Où iras-tu si tu le quittes? Personne dans cette ville ne se soucie de toi. Tu viens de rencontrer un bonhomme qui t'a pris en amitié. Il faut savoir profiter de ces chances-là. Quant à ton chien, c'est un malheur. Mais qu'y faire? Crois-tu que quand je suis parti mousse à ton âge, il ne m'en coûtait pas? Je laissais ma mère derrière moi. La pauvre femme, je ne l'ai pas retrouvée à mon retour. Mais quoi, c'est notre vie, à nous autres. On ne peut pas toujours écouter ce qui va là-dedans, mon bon ami, lorsqu'il s'agit de gagner courageusement son pain. Songe-y bien. Il y a des occasions où à 15 ans il faut savoir déjà être un homme. Quand le vieux se fut éloigné, Anjan resta un moment immobile et pensif. Ses yeux suivaient à l'horizon les poils blanches qui se perdaient dans la brume. Involontairement, il sentait naître en lui un immense espoir. Son âme s'élançait vers ces espaces inconnus où il semblait que tout dût être bonheur et joie. Il avait tant souffert sur cette terre de Stamboul que le lumineux azur des flots l'attirait avec une force irrésistible. Cet esclave entrevoyait un moyen d'échapper à la servitude. Il croyait entendre des voix qui lui disaient « Viens !» Mais il y avait aussi quelque chose qui le retenait dans cette ville où tout lui était hostile. Ce n'était point l'amour du foyer paternel, le souvenir des belles années d'enfance, car il n'avait eu ni foyer ni belles années. C'était quelque chose qui remplaçait tout cela. Une amitié étrange pour un pauvre être déshérité comme lui. Comme lui seul et misérable, qui était couché à ses pieds et qui était la seule chose qu'il aimât. Il se livrait une lutte terrible dans ce petit cœur, la première lutte de l'intérêt et des affections. Il ne savait à quoi se résoudre. « Mon pauvre Fougara, » disait-il, en se penchant sur le chien pour l'embrasser, « non, je ne te laisserai pas. » Mais au même instant, la pensée qu'il pouvait se délivrer de son tyran se présentait plus vivement à lui. Les paroles du marin résonnaient à son oreille comme un écho qui persiste après que la voix s'est éteinte. Il faut savoir être un homme. Il faut savoir être un homme. Le chien, qui ne comprenait rien à ses caresses désespérées, cherchait à s'y soustraire en poussant de petits gémissements. Comme Anjan était penché sur lui et lui parlait, l'argent qui provenait de la vente de l'eau glissa de sa poche sans qu'il y prît garde. L'enfant ne vit pas non plus que le soleil était sur le point de se coucher. Ce fut la voix des Hodja, appelant à la prière du soir du haut des minarets, qui le rappela à lui-même. Il lui fallait une bonne demi-heure pour regagner son logis. Il se releva en sursaut, et prenant son chien par la corde, se mit à courir de toutes ses forces. Tout à coup, il s'aperçut qu'il avait oublié son tonneau. Il revint sur ses pas, toujours courant, mais il ne le trouva plus à l'endroit où il l'avait laissé. Il le cherchait en vain pendant 1 heure. Enfin, il se résolut à rentrer quand même, car la nuit était tombée. Cette fois, il ne courut pas. Il se demandait ce qu'il pourrait dire à son maître pour n'être pas trop battu. Hélas, il ne trouvait rien. Le vieux l'attendait sur la porte. Du plus loin qu'il le vit, il lui cria « Eh bien, gredin, où donc as-tu été rôdé ?»« Voilà, voilà !» fit Anjan, qui, pour l'apaiser, se prépara à lui remettre sa recette dans les mains. Mais il s'arrêta soudain. On eût dit que quelque chose l'empêchait d'avancer. Il avait retourné ses poches et les regardait de l'air de quelqu'un qui ne comprend pas. « Mon Dieu, je l'ai perdu !» dit-il. « Ah, voleur !» hurla l'avare. Et en même temps, il se jeta sur lui pour le fouiller. « Qu'en as-tu fait ? » criait-il. « Hein ? Me diras-tu ce que tu en as fait ?» Et sur le seuil, la vieille lui soufflait de sa voix aigre. Tue-le, Manassé, tue-le! Ce fut bien une autre scène, quand elle s'aperçut qu'Anjan était revenu sans son tonneau. Et le tonneau? S'écria-t-elle. Il a vendu le tonneau, le brigand! Alors, à son tour, elle se précipita sur l'enfant, et tous deux se mirent à le secouer, comme pour lui faire rendre gorge. Le pauvre Anjan se débattait tant qu'il pouvait, mais les doigts maigres des deux avares le serraient comme des pinces, dont il essayait en vain de se dégager. Ceci se passait dans la rue sans que personne intervînt. À Constantinople, il n'est pas prudent de se mêler des affaires d'autrui. un secours porté mal à propos peut vous valoir un coup de couteau dans les côtes. Andjan, heureusement, avait un ami qui eût volontiers affronté pour lui les coups de couteau. Le brave chien s'élança sur le juif et se mit à lui mordre les jambes. Ni coup de pied, ni coup de bâton ne purent le faire lâcher prise. Force fut aux deux avares de se retourner pour protéger leur derrière. Andjan profita de ce moment pour se dégager brusquement de leur étreinte. Il s'enfuit à toutes jambes et le chien courut après lui. Le digne fils d'Israël, resté avec son épouse maître du champ de bataille, s'en alla mettre de l'eau sur ses mollets saignants et se consola de sa déconvenue en comptant l'argent qu'il avait extorqué pendant la journée. Cependant, Andjan s'était arrêté à quelques centaines de pas de la maison. Il fut d'abord tout à la joie d'avoir échappé au mauvais traitement qui l'attendait. Mais cette joie fut de courte durée. Il se tenait debout sous l'obscurité croissante, ne sachant où aller. Il se sentait dans la grande ville, seul, sans abri, sans pain. Il songea alors à Maître Pierre. « Si j'allais le trouver, » pensa-t-il. Et soudain, la lutte recommença en lui, plus forte et plus poignante, entre le besoin qu'il aiguillonnait et l'affection qu'il attachait à son chien. Un nouveau lien s'était formé entre eux depuis que l'animal avait délivré son maître. L'imagination de l'enfant lui grossissait le danger couru, redoublant ainsi sa reconnaissance. « Non, » dit-il enfin, « je n'irai pas. » Il se coucha où il se trouvait, dans l'angle de deux murs, son ami serré contre lui, et il dormit. Il dormit sous ce ciel d'automne déjà froid, s'éveillant chaque fois que des pas résonnaient dans la rue, chaque fois que le veilleur passait, marquant l'heure avec son bâton, et chaque fois frissonnant, et se disant chaque fois « maintenant c'en est trop, si je reste ici, je vais mourir, il faut que j'aille chez Maître Pierre. » Mais dès qu'il faisait un effort pour se lever, il sentait le corps du chien qui pesait sur lui. Le courage lui manquait de laisser la pauvre bête toute seule, et il essayait de se rendormir en regardant les étoiles. À un moment, il eut l'idée de retourner chez le juif et de tout souffrir, pourvu qu'il consentît à les garder, lui et son compagnon. Mais sa fierté se révolta à cette pensée. La peur le saisit de nouveau, et il commença à trembler de tous ses membres. Enfin le jour parut. Andjan se leva tout engourdi par le froid du matin, et se mit à parcourir les rues en cherchant de l'ouvrage. Il n'en trouva point. Il alla alors s'asseoir au bord de la mer, à la place où il avait coutume de s'arrêter. Il était environ 2 heures de l'après-midi. Il n'avait rien mangé depuis la veille, et la faim le rongeait. Il se sentait vaincu peu à peu. Il passa son bras sous la tête du chien, comme il faisait le soir dans sa mansarde, et lui montra un navire et lui dit « Mon pauvre Fougara, que deviendras-tu quand je ne serai plus là ?» Il attendit cependant tant qu'il put, mais bientôt la faim devint insupportable. S'il ne voulait pas se faire mousse, il ne lui restait plus que la ressource de mendier ou de voler. Il essaya, mais il eut beau tendre la main sur le seuil des boutiques et dans les rues, partout on le repoussa. Le vol ne lui réussit pas mieux. Il voulut prendre un pain à l'étalage d'un boulanger. Au moment où il l'emportait, l'homme s'en aperçut. Il cria. L'enfant jeta le pain dans la boue et se sauva. Il courut jusqu'à la taverne où il devait trouver Maître Pierre. À peine eut-il ouvert la porte qu'il entendit la bonne voix du marin. « Étonnez, patron, » disait-il, « le voilà justement avec son chien. » Andjan s'approcha en hésitant de la table où les deux hommes étaient assis et murmura. « Oui, me voilà, monsieur Pierre. Mon maître m'a chassé. Je n'ai rien mangé de tout le jour, et je viens voir si vous voulez encore de moi. » « Il me plaît, le bonhomme, » fit le capitaine, qui l'avait observé attentivement pendant qu'il parlait. « Allons, » continua-t-il, « ne pleure pas, grand nigaud, on va t'apporter une assiette de soupe et tu viendras avec nous à bord. » « Quant au chien, » fit Maître Pierre, lorsque Andjan fut prêt à partir, « je pense qu'il vaut mieux le laisser ici. » « Le vieux que tu vois en prendra soin, n'est-ce pas, père Couzou ? » ajouta-t-il en clignant des yeux pour faire comprendre que ça n'engageait à rien. « Hé hé, s'entend !» répondit l'homme avec un gros rire. Andjan soupira bien fort. Il sentait qu'il devait se résoudre à ce sacrifice. Il serra la pauvre bête dans ses bras, comme en être un ami qu'on va quitter pour toujours. Puis il sortit brusquement du cabaret, accompagné de ses deux protecteurs. Le chien ne tarda pas à les suivre. Mal surveillé, il réussit à se dégager de sa corde et s'élança d'un bond dans la rue. Il arriva sur le rivage assez tôt pour voir Anjan disparaître derrière les hauts bordages d'un navire qui était à l'ancre à quelque distance. Il se mit à courir tout le long du bord, en gémissant comme une bête qui cherche à sortir de sa cage. Il se penchait en avant, puis hurlait, n'osant s'élancer dans l'eau. Enfin, il se coucha sur la rive, les yeux tournés vers la mer. Il pensait « Je voudrais seulement le revoir avant de mourir. » Mais il ne devait pas rester là longtemps. Les chiens du quartier l'aperçurent et se réunirent pour chasser l'intrus. Lui, absorbé dans une seule pensée, ne les vit pas s'approcher. Il n'entendit pas les aboiements qui le menaçaient. Il fallut des coups de dents pour le tirer de sa torpeur. Alors, l'instinct de la conservation l'emportant, il se mit à fuir. Toute la horde se précipita après lui en hurlant. Il eût pu échapper sans plus de dommages que quelques morsures s'il eût consenti à s'enfoncer dans l'intérieur de la ville pour regagner son quartier. Mais il ne voulait pas s'éloigner du rivage. Il conservait toujours l'espoir que son maître reviendrait. Il cherchait vainement à dérouter la bande acharnée à sa poursuite en enfilant des rues étroites ou en se lançant dans des allées. Toujours il l'entendait aboyer et se bousculer sur ses traces. À chaque instant, leur nombre grossissait. On eût dit que de tous les trous, ils sortaient des chiens pour traquer la malheureuse bête. Celle-ci était comme affolée. Pendant près d'une heure, elle réussit à leur échapper et à se maintenir sur le rivage. À la fin, elle se trouva acculée dans un passage étroit qui n'avait d'issue que sur la mer. Elle essaya d'abord de se défendre, mais elle dut céder le terrain pas à pas. Bientôt, se sentant perdue, elle jeta un regard derrière elle et vit au loin les mâts sombres du navire sur lequel Anjan était monté. Elle se lança à l'eau et se mit à nager de ce côté-là. Elle nagea tant qu'elle eut des forces. Le soir était venu. Elle entendait sur le rivage les chiens hurler comme des bêtes féroces. Une lumière brillait devant elle, éclairant le bâtiment et la mer d'une lueur tremblante. Un jeune garçon grimpait le long des cordages, et une voix en bas criait « Bravo, il est agile comme un singe, le petit diable !» Alors le chien ferma les yeux et se laissa couler au fond de la mer. Son vœu était accompli. Il avait revu son maître avant de mourir. C'était « Les chiens de Constantinople » par Henri Barnery.